L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Chapitre 2. Des anges. Les anges sont les messagers de Dieu. 35. 1. Ils ne dédaignent point de s'humilier devant lui, et ne se lassent point de l'adorer. Ils le louent le jour et la nuit. Ils ne cessent de publier ses grandeurs. 21. 19. 20. L'homme est environné d'anges qui se succèdent sans cesse. Dieu les a chargés de veiller à sa conservation. 13, 12. Chacun a un ange gardien qui l'observe. 86, 4. Chapitre 3. Du démon. Satan est l'ennemi de l'homme. 12, 5. Oppose à ses pièges l'assistance du Très-Haut, 7, 199. Si le tentateur te sollicite au crime, cherche un asile dans le sein de Dieu, il voit et entend, 41, 36. Satan n'a point de pouvoir sur le croyant qui met sa confiance en Dieu, 16, 101, mais il est le patron des incrédules. Il les conduit de la lumière dans les ténèbres, et ils seront précipités dans un feu éternel. 2, 258. Que ceux qui craignent le Seigneur se rappellent ses bienfaits quand ils seront tentés, et Dieu les éclairera. Les infidèles ne pourront dissiper le nuage ténébreux que Satan épaissira autour d'eux. 7, 200, 201. Il flatte ses adorateurs par de vaines espérances. Il allume dans leur cœur le feu des passions, mais la tromperie sera le fruit de ses promesses. 4, 119. Nous avons donné pour ennemi au prophète le tentateur des hommes. Il emploie des discours séduisants pour corrompre. 6, 112. Dieu le chargea de ses malédictions. 4, 118. Sors du paradis, lui dit-il, tu seras réprouvé. Ma malédiction te poursuivra jusqu'au jour du jugement. 15, 34, 35. Puisque tu m'as chassé, ajouta l'esprit rebelle, je rendrai le mal agréable aux hommes, et je les séduirai tous. Dieu dit, je suis la voie du salut. Tu n'auras aucune puissance sur mes élus. Les infidèles seuls t'obéiront. L'enfer est leur unique promesse. 15, 39 à 43. Je mets ma confiance dans le Seigneur des hommes, afin qu'il me délivre des séductions de Satan, qui souffle le mal dans les cœurs. 114, 1, 4, 5. Chapitre 4. Des livres inspirés. Nous donnâmes à Abraham, à Isaac, à Jacob, et à leurs descendants, les prophéties et les Écritures, 29, 26. Nous révélâmes le Pentateuque à Moïse, pour conduire les enfants d'Israël, et nous leur défendîmes de rechercher d'autres protections que celles de Dieu. 16, 2. C'est à sa lumière que doit marcher le peuple hébreu. 32, 23. Ce livre distingue le bien du mal. Il est la lumière et la règle de ceux qui sont pieux, de ceux qui craignent le Seigneur dans le secret, et qui redoutent l'heure fatale. 21, 49, 50. Nous avons envoyé le Pentateuque pour diriger et éclairer les hommes, les prophètes qui suivaient l'islamisme, dans le vrai sens, c'est-à-dire le culte de Dieu seul, sans servir pour juger les juifs. Les docteurs et les pontifes guidèrent par ces lois le peuple confié à leur garde. 5, 49. Nous élevâmes les prophètes les uns au-dessus des autres. Nous donnâmes à David le livre des psaumes, 17, 57. Tous ceux qui ont reçu les Écritures ne se ressemblent pas. Il en est dont le cœur est droit. Ils méditent les préceptes de Dieu pendant la nuit, et sont ses adorateurs. Ils croient en Dieu et au dernier jour, ils commandent le bien et défendent le mal. Ils se livrent avec ardeur aux œuvres de piété, et pratiquent la justice. Le bien qu'ils font ne leur sera point ôté. Dieu connaît ceux qui le craignent. 3, 108 à 110. Chapitre 5. De l'Évangile. L'Évangile est le flambeau de la foi, et met le sceau à la vérité des anciennes Écritures. Ce livre éclaire et instruit ceux qui craignent le Seigneur. Les chrétiens seront jugés d'après l'Évangile. Ceux qui les jugeront autrement seront prévaricateurs. 5, 51, 52. Chapitre 6. Du Coran. Nous avons envoyé successivement nos ministres. Chaque nation a nié la mission de son apôtre. Elles ont disparu les unes après les autres. Nous avons apporté un livre nouveau. Loin de nous ceux qui n'y croiront pas. 23, 45. Dans ce livre brille la science qui doit éclairer les fidèles et leur procurer la miséricorde divine. 7, 53. Le Coran est ce dépôt de la foi, envoyé aux mortels pour les instruire. 67, 52. Il promet, il menace. 41, 2, 3. Il n'y a point de doute sur ce livre, il est la règle de ceux qui craignent le Seigneur, de ceux qui croient aux vérités sublimes, qui font la prière et versent dans le sein des pauvres une portion des biens que nous leur avons donnés, de ceux qui sont fermement attachés à la croyance de la vie future. 2, 1 à 3. Les livres sacrés anciens en font mention. 25, 191. Sa doctrine est simple et claire. Il prêche la crainte du Seigneur. 39, 29. Nous t'avons dicté le Coran en arabe, afin que tu l'annonces à la Mecque et dans les villes voisines. 43, 5. La vérité éternelle te l'a envoyé pour prêcher la foi à un peuple qui n'avait point encore eu d'apôtre, et pour l'éclairer de son flambeau. 32, 2. Pour les tirer des ténèbres et les conduire dans la voie excellente et glorieuse. 14, 1. Pour rappeler aux autres hommes la doctrine qu'ils ont reçue, afin qu'ils en gardent le souvenir. 16, 46. Pour éclaircir les dogmes contestés de la religion, pour conduire les fidèles et leur annoncer les grâces du Seigneur. 16, 56. Le Coran est l'ouvrage de Dieu. Il confirme la vérité des Écritures qui le précèdent. Il en est l'interprétation. On en saurait douter. Direz-vous que Mahomet en est l'auteur ? Réponds-leur, apportez un chapitre semblable à ceux qu'il contient, et appelez à votre aide tout autre que Dieu, si vous êtes véridique. Ils accusent de fausseté un livre dont ils ne comprennent pas la doctrine, et dont ils n'ont pas encore vu l'accomplissement. C'est ainsi que les prophètes venus avant eux furent traités d'imposteurs, mais attendez la fin des impies. 10, 38, 40. Lorsque nous dévoilons l'islamisme, les incrédules disent, apporte-nous un autre Coran, ou change celui-ci. Réponds-leur, je ne puis rien changer, je n'écris que ce qui m'est révélé, si je désobéissais à Dieu, j'aurais à craindre le supplice du grand jour. Si Dieu eût voulu, je ne vous aurais point lu ces commandements, je ne vous les enseignerai pas. N'ai-je pas vécu au milieu de vous un grand nombre d'années avant le Coran, 10, 16, 17. Mahomet avait 40 ans lorsqu'il commença à prêcher l'islamisme. Ô enfants d'Israël, croyez au livre que j'ai envoyé, le Coran, il confirme vos écritures, ne soyez pas les premiers à lui refuser votre croyance, ne corrompez pas ma doctrine pour un vil intérêt, ne couvrez pas la vérité du mensonge, ne dérobez pas son éclat. Vous lisez les Écritures, ne les comprenez-vous donc pas ? 2, 38 à 41. Je ne vous prêche que ce que le ciel m'a révélé. Ce livre renferme les principes divins, il est la lumière des croyants et le gage de la miséricorde céleste. 7, 202. Parmi les versets qui le composent, les uns renferment des préceptes évidents et sont la base de l'ouvrage, les autres sont allégoriques. Ceux qui ont du penchant à l'erreur, s'attachant à ces derniers, formeront un schisme en voulant les interpréter. Dieu seul en a l'explication, mais les hommes consommés dans la science diront, « Nous croyons au Coran. Tout ce qu'il renferme vient de Dieu. » Ce langage est celui des sages, 3, 6. Le ciel t'a envoyé le plus excellent des livres. Le Coran est la lumière de Dieu. Par elle il dirige les élus, 39, 24. Il est la règle de la foi et l'exhortation de ceux qui sont pieux, 3, 131. Chapitre 7. Des prophètes. Ignorez-vous l'histoire des nations qui vous ont précédé? Ces peuples eurent des prophètes qui leur offrirent l'évidence, mais, voués à l'infidélité, ils s'écriaient, « Nous nions votre mission, et nous doutons de votre doctrine. Pouvez-vous douter de Dieu ?» leur représentaient nos envoyés. Il est l'architecte du ciel et de la terre. Il vous appelle pour vous pardonner. Il vous attend jusqu'au temps marqué. Vous n'êtes que des hommes comme nous, leur répondait-on. Voulez-vous nous faire abandonner le culte de nos pères? Montrez-nous des miracles. Nous ne sommes que des hommes comme vous, mais Dieu favorise de ses grâces ceux qu'il veut. Nous ne pouvons opérer de miracles sans sa permission. Que les fidèles mettent en lui leur confiance. Il nous a tracé le chemin qu'il faut suivre, 14, 9 à 15. La plupart des anciens peuples étaient plongés dans les ténèbres, nous leur envoyâmes des apôtres pour les instruire, 27, 70, 71, pour annoncer la vérité. Nous chargeâmes Noé et Abraham de la prédication, d'autres prophètes leur ont succédé, 57, 26, 27. Tous les prodiges qu'ils opérèrent furent l'effet de nos ordres, 40, 78. Les ministres que Dieu chargea de ses volontés le craignaient, et n'avaient point d'autre crainte, son approbation leur suffisait, 33, 39. Nous les élevâmes les uns au-dessus des autres. Dieu fit entendre sa voix à ceux-ci, il favorisa ceux-là de dons particuliers, 2, 253. Tous les peuples eurent des prophètes qui les jugèrent avec équité, ils n'ont point été traités injustement, 10, 48. Il n'est point de nation qui n'ait eu son apôtre, 35, 22. Chaque peuple a eu son guide, 13, 8. Abraham est le chef des croyants, il fut soumis à Dieu, il adora son unité, et refusa de l'encens aux idoles. Reconnaissant des grâces du ciel, il fut l'élu du Seigneur, qui le conduisit dans la voie du salut. Comblé sur la terre des faveurs célestes, il sera dans l'autre monde au nombre des justes, 16, 121 à 123. Il adressa à Dieu cette prière, « Seigneur, éloigne-moi, éloigne ma postérité du culte des idoles. Elles ont couvert de ténèbres une partie de la terre. Celui qui me suivra sera ton adorateur. Celui qui s'éloignera de moi, Seigneur, tu es indulgent et miséricordieux. » 14, 29, 30. Louange à Dieu qui, dans ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Il exauce les vœux des mortels. 14, 42. Parmi les descendants d'Abraham, nous favorisâmes de notre lumière David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons la vertu. Zacharie, Jean, Jésus, Élie furent au nombre des justes. Nous élevâmes au-dessus de leurs semblables Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. 6, 84 à 86. Ne doute pas de rencontrer dans le ciel le conducteur des Israélites. 32, 24. Tous les prophètes qui t'ont devancé reçurent cette révélation, « Je suis le Dieu unique, adorez-moi. » 21, 24. Interroge les apôtres qui t'ont précédé. Leur avons-nous prescrit d'autres cultes que celui du miséricordieux? 43, 44. Prophète du Seigneur, votre religion est une, je suis votre Dieu, craignez-moi. 23, 53. Nous n'avons point envoyé de prophète que Satan ait mêlé des erreurs dans leur doctrine, mais Dieu détruit ses artifices, et les préceptes divins restent dans leur pureté. 22, 51. Si Dieu eût voulu, ceux qui sont venus après ses ministres n'auraient point disputé. L'esprit de discussion s'est emparé d'eux lorsqu'ils ont vu la vérité. Une partie a cru, une partie a été infidèle. 2, 253. Toutes les fois qu'un messager de la foi prêcha nos menaces dans les murs d'une ville coupable, les principaux citoyens l'accusèrent de mensonge. Enivrés de leurs richesses, ils se crurent à l'abri de notre vengeance. 34, 33, 34. Noé fut traité d'imposteur, nous le sauvâmes avec ceux qui étaient dans l'arche. Les aveugles qui aveignaient notre doctrine furent ensevelis dans les eaux. 7, 62. Toutes les fois que les envoyés du Très-Haut vous apporteront une doctrine que rejettent vos cœurs corrompus, leur résisterez-vous orgueilleusement? Accuserez-vous les uns de mensonges? Massacrerez-vous les autres? 2, 81. Nous envoyâmes nos prophètes avec des promesses et des menaces, afin que les hommes n'eussent plus d'excuses devant le Dieu puissant et sage. 4, 163. Ceux qui, rebelles à Dieu et à ses envoyés, veulent mettre de la différence entre eux, croyant aux uns et niant la mission des autres, se font une religion arbitraire, ceux-là sont les vrais infidèles, destinés à subir un supplice ignominieux. Mais ceux qui croiront en Dieu et en ses envoyés indistinctement seront récompensés. 4, 149 à 151. Pour nous, musulmans, nous ne mettons point de différence entre eux. 2, 284. La paix soit avec tous les ministres du Seigneur. 38, 182. Markendan Archivorg 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.